j'étais dégagé. J'étais remords, j'étais pas là parce qu'il fallait mailler. Demain les bleus pètent la porte vers 6 AM. Demain je serai mieux ou après-demain. J'te pose une rose sur ta tombe, ma fille. J'te pose des fleurs à ta daronne, ma fille. Ça les fait, le mal est fait, parce qu'il fallait. Mon chemin se croise et ça fait à ce qu'il paraît. On réfléchit comme un bandit, mais pas tomber n'importe où. Traîne pas avec n'importe qui, je fais le tour de la caisse au boîtier. Et s'il faut tuer pour monter, les gamins vont pas hésiter. Ça tire et ça turn up, c'est qu'on a peur de personne. Fais 6 millions, ou on tourne en rond. Je creuse aux anges, je creuse au diable, je tourne en rond. Métro lourd comme un arbre, Gennaro. Les guitares dépassent des fenêtres, les quatre anneaux. J'ai déjà encore des gens qui vont nous dévisager. J'étais remords, j'étais pas là parce qu'il fallait mailler. Demain les bleus pètent la porte vers 6 AM. Demain je serai mieux ou après-demain. J'te pose une rose non sur ta tombe, ma fille. J'te pose des fleurs à ta daronne, ma fille. Le sale est fait, le mal est fait. Parce qu'il fallait, mon chemin se croise et ça fait parce qu'il paraît, yeah. Chaud comme l'Etna, chaud d'un four dans ma lobe. J'tiens de Beretta, 420 par seconde. J'meurs pour chaque membre meurt pour moi. Elle entend des noms, elle tombe dans mes bras. Et sa mère la morale, le semi-rigide en transit. Une France qui dépasse de la Norac. J'en ai jamais vu le ciel aussi gris. L'orage fait parler les oracles. Une caisse s'arrête, ça charge en plein vide. Le truc est le reflet de mes cinq sens. Et j'fais comme si j'avais cinq vies. J'ai déjà encore des gens qui vont nous dévisager. J'étais remords, j'étais pas là parce qu'il fallait mailler. Demain les bleus pètent la porte vers 6 AM. Demain j'serai mieux ou après-demain. J'te pose une rose blanche sur ta tombe, ma fille. J'te pose des fleurs à ta daronne, ma fille. Le sale est fait, le mal est fait, parce qu'il fallait. Mon chemin se croise et ça fait parce qu'il paraît.